Mais c'est maintenant ou jamais. Montez à bord d'une Mustang Mach-E. Profitez d'une baisse de prix de 5 à 13 000 $ sur le PDSF. Et jusqu'au 30 avril 2024, obtenez 0,99% à la location et jusqu'à 12 000 $ de rabais gouvernementaux sur les Mach-E 2023 neufs sélectionnés. Faites vite, parce qu'une Mach-E à ce prix-là, c'est du jamais vu. Pour plus de détails, rendez-vous chez votre détaillant Ford ou sur Ford.ca. Il y a la livraison d'épicerie et il y a voilà Parigéa. Grâce à notre technologie unique, nous vous garantissons des commandes sans déception, livrées à l'heure et pleines de fraîcheur. Un marché virtuel où les aliments sont aussi frais que si on y allait en vrai. Que vous soyez fan de produits locaux ou des spécialités de Ricardo, c'est comme magasiner chez IGA, mais livré par Voilà. Tout ça en accumulant des points 5 plus pour vous faire plaisir encore et encore. Voilà par IGA. Fraîcheur garantie, comme vous l'auriez choisi. Visitez voilà.ca pour tous les détails. Je vois du soleil à l'horizon. Et voici le plus beau. Des escapades printanières en rabais. Gracieuseté de vacances Sunwing. Sunwing a des économies printanières? Chut! Pas si fort! Avec de tels rabais sur les vols directs vers Cuba, la Jamaïque et le Panama, ces forfaits vont disparaître rapidement. Ah, OK, désolé. Devancez les foules et réservez aujourd'hui. Parce qu'en économisant plus, vous vous amusez plus. Réservez avec votre agent de voyage ou sur... Slogar. Confiez aujourd'hui votre dossier en invalidité CNESST, SAAQ et Assurance Invalidité. 514-527-9292 ou slogar.ca. De retour à Parlons-nous. Parlons-nous. Vous avez envie de vous exprimer? Composez le 514-790-9850 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. Voici Valérie Leboeuf au réseau Cogeco. Ne tu mens pas la beauté du monde. Ne tu mens pas la beauté du monde. Na na na du va va va. On vous fait entendre Diane Dufresne puisqu'elle était en direct du parc Jean Drapeau aujourd'hui où des milliers de personnes étaient rassemblées. Mon collègue Philippe Bonneville, journaliste à Cogeco Nouvelles, était sur place. Philippe, ça, même en tant que journaliste, que tu as un travail de neutralité à faire, tout ça, mais les émotions devaient être dans le tapis un petit peu aussi quand tu l'as vécu toi-même là, avec tous ces gens. Écoute, quelle chance de pouvoir être là, de travailler, mais de pouvoir assister à ce phénomène astronomique rarissime. Écoute, on était plus de 100 000 personnes rassemblées au parc Jean Drapeau, donc sur l'île Sainte-Hélène, juste en face du centre-ville de Montréal aujourd'hui. C'était assurément le plus imposant rassemblement organisé au Québec dans le cadre de cette éclipse solaire totale. Dès 10h30 ce matin, Valérie, dès 10h30 ce matin, les gens ont commencé à affluer sur le site par milliers. Et là, on était 5 heures avant l'éclipse solaire totale. Les gens voulaient être assurés d'avoir premièrement une bonne place et savaient très bien que l'accès au parc Jean Drapeau, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout au Québec, là, le parc Jean Drapeau, ben, c'est sur une île. Donc, il n'y a pas des millions d'accès. Il y a la station de métro. Il y avait au maximum 8500 places de stationnement, mais on pouvait accueillir jusqu'à 150 000 personnes sur le site. Et on avait 150 000 paires de lunettes de protection à distribuer gratuitement aux gens qui se présentaient là. Pour te donner une idée aussi, le circuit Gilles Villeneuve avait été transformé en stationnement format géant pour permettre aux gens de pouvoir justement se garer puis de se rendre sur le site d'observation. Et on avait prévu le coup quand même du côté des organisateurs. Il y avait des prestations musicales de DJ Champion avant le début de l'éclipse. L'orchestre métropolitain également a offert une prestation et tu as fait entendre Diane Dufresne. Écoute, ça, c'était magique, ce moment-là. Diane Dufresne, qui était sur scène, interprétait l'hymne à la beauté du monde quand la température s'est mise à baisser. On l'a senti, là. Plus la lumière disparaissait, plus la température ambiante diminuait. Le vent s'est levé un peu. On est à côté du fleuve et la noirceur s'est installée graduellement jusqu'à l'obscurité presque totale à un certain moment. Donc, éclipse solaire totale d'une minute 27 secondes, du jamais vu ici depuis des décennies. Et je te dis, là, les gens... Moi, j'avoue que je doutais un peu là, de la pertinence d'être rassemblé pour une éclipse, dans le sens où tout le monde dans la région de Montréal pouvait la regarder, cette éclipse-là, sur son balcon, dans sa cour arrière, au bureau. Mais le fait d'être entouré de 100 000 personnes, il y avait comme une émotion véritablement qui se produisait à ce moment-là dans les minutes qui ont précédé l'éclipse solaire totale. Et quand la Lune est vraiment passée devant le soleil là, et que ça a été l'obscurité pendant la minute 27, les gens se sont mis à applaudir, à crier. Je te laisse entendre, je te laisse entendre des gens que j'ai rencontrés immédiatement après l'éclipse totale. Parfait. Incroyable, oh my God, c'est vraiment incroyable, cool. Magnifique. Magnifique. Expérience de vie? Incroyable, incroyable. Amazing, amazing. Dans les history books, on va avoir 2024 éclipses. Oh, I loved it, it was amazing. Yeah. C'était quelque chose, c'était quelque chose. Hein. Quand c'était plein, mettons, le full, là, c'était spécial, c'était spécial. Honnêtement, surtout de savoir qu'on va jamais revoir ça toute notre vie. Exact. Ça rend la chose encore plus incroyable. Puis je vous dirais que entouré de les bonnes personnes, ce fut un événement extraordinaire, j'ai adoré. Et de votre côté, comment vous avez trouvé ça? C'est un super bel événement, pour vrai. On s'attendait pas à ça. On est comme... j'ai dû regarder ça correctement avec mes lunettes, là. Je veux-tu pas blesser les yeux, mais non, ça va. Incroyable. Franchement, c'est fou. Ben, je pense que c'est le truc d'une vie, là. Ouais. Et on vit ça qu'une fois. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. C'est que d'émotion. Admirable. Ouais, inoubliable. C'était incroyable. Incroyable. La première fois que je vois ça et la dernière. C'est un événement unique. Ça m'a traversé la tête, je croyais que j'étais dans une autre planète. On se sent dans Dune un peu, c'est le soleil, c'est très beau. Et comme disait mon collègue Maxime tantôt, Philippe, c'est vraiment l'événement où tu te dis, tu te souviens exactement où tu étais à cette date-ci, là. Ah, c'est certain, mais de moi-même, je vais me rappeler, là, dans 10, 20, 30 ans, je vais me rappeler où j'étais à ce moment-là. Écoute, les conditions d'observation, elles étaient parfaites aujourd'hui à Montréal. Conditions météo, ciel dégagé, vue sur le centre-ville, parce qu'à l'endroit où on était, au parc Jean-Drapeau, on voyait le centre-ville. Donc là, les lumières des bâtiments qui se sont mis à être allumées, finalement, en raison de l'obscurité. Donc, c'était assez magique comme moment. Seul bémol, faut je dire quand même, faut être honnête, là. Oui, il y avait 100 000 personnes, il y a des gens qui ont été quand même un peu déçu. L'organisation, c'était très bien, sauf que l'accès à la nourriture, là, les gens, comme je te disais tantôt, sont arrivés presque 5 heures à l'avance dans certains cas, 4 heures, 3 heures à l'avance, et il y avait l'équivalent d'environ 8 ou 9 food trucks, le camion de rue. Okay. Donc, il y avait parfois, des gens m'ont dit, on a attendu plus que 2 heures pour avoir accès à de la nourriture, les files d'attente qui s'étiraient sur des centaines de mètres, donc là, les gens étaient déçus là-dessus. Et aussi, beaucoup de gens avaient apporté des chaises pliantes en se disant, on va être là pendant 4-5 heures à attendre l'éclipse. Des gens plus âgés qui se disaient, nous, on veut bien être là avant la foule, mais il faut pouvoir attendre. Eh bien, on refusait l'accès au site principal aux gens avec des chaises en raison de soucis de sécurité au cas où on devrait évacuer rapidement ou s'il y avait un mouvement de foule. Okay. Là, les gens étaient vraiment frustrés de cette situation-là, devaient accéder à un autre site, mais qui n'était pas le site principal. Donc, c'était une source de frustration, mais en gros, là, ça s'est vraiment bien passé. La prochaine fois que la majorité du Québec va pouvoir voir une éclipse solaire totale, c'est en 2205, dans 181 ans. Il y aura d'autres éclipses dans certaines parties du Québec, là, mais pour la majorité, c'est dans 181 ans. On risque d'être un peu ridé, rendu là, toi et moi. Non, t'as tout à fait raison. Merci, Philippe, d'avoir pris le temps. Je te souhaite une bonne soirée à toi. Et merci. Nous, on va s'arrêter, évidemment, pour la pause et le bulletin d'information. La question de ce soir, ce qu'on veut entendre, c'est votre témoignage à vous. Vous avez entendu mon collègue Philippe, comment il a vécu sa journée, lui, avec cette éclipse solaire totale. Comment vous l'avez-vous vécu à la maison et comment vos proches l'avaient vécu? Il y a un témoignage très touchant d'une femme qui nous parle de son conjoint emprisonné. On va vous lire ça dans quelques minutes. Pour nous joindre, 514-790-9850 si vous êtes à Montréal. 1-866-790-9850 à l'extérieur et par le texto si vous avez envie également de nous écrire. C'est le 98985. Restez là. Pierre, tes prédictions pour les séries? Cette année, sans hésiter, je dirais que Hyundai va être l'équipe à battre. Bien d'accord avec toi, ils vont être à surveiller. Ils présentent tout un alignement. De joueurs de concession comme le nouveau Santa Fe, des vétérans fiables comme l'Elantra et le Tucson, et de plus, c'est l'événement Hyundai en série avec du financement à partir de 3,99% sur version sélectionnée. Un modèle à suivre en particulier? Ah, Marc, je garderai un œil sur le Kona N-Line avec son rabais additionnel de $500. Profitez de l'événement Hyundai en série. Des conditions s'appliquent. Visitez votre concessionnaire pour les détails. Déménager sans souci, Déménagement la capitale. Les meubles emballés, c'est garanti. Déménagement la capitale. Un piano, les électros, une compagnie, un bureau, l'entreposage, vos besoins, les garde-robes ne vous coûteront rien. Déménagement la capitale. Déménagement la capitale.com. La capitale. Flore Déco. Allô? Oh, wow! Tes planchers! Ça vient de chez Flore Déco. Le dosseret, la céramique. On est super contents. Vous avez dû travailler fort? Même pas. Ça a été simple, simple, simple. De l'inspiration jusqu'à l'installation. Wow! FloreDeco.ca. Allô? Je te vois. C'est qui? Je vois ce que tu fais. Je fais rien. Je vois que t'es seule. Ben non, mon chum est là. C'est qui? Je vois que tu... Je vois que tu vas pas clair pas à tout. Il y a jusqu'à 125 $ de rabais sur les lunettes de vue chez New Look. Jusqu'au 2 juin, des conditions s'appliquent chez Saint-Laurent-Do Opticienne. Econo Fitness, super beau gym à très bas prix. Équipement de qualité en grande quantité. Zone d'entraînement platine avec haltères allant jusqu'à 100 livres. Chaise massage, lit d'hydromassage et accès 24/7. Quatre nouveaux gyms maintenant ouverts. Saint-Hyacinthe, Boucherville, Terrebonne et Plateau-Mont-Royal. Inscrivez-vous sur place ou au econofitness.ca. La vente annuelle se poursuit chez Matelas Bonheur. Jusqu'à 20% sur matelas et accessoires sélectionnés. Le meilleur des sommeils ne demande qu'un clic. MatelasBonheur.ca. Sans réserve. Sans réserve. Il faut en parler. Et le propriétaire le sait, ça fait plusieurs fois que les locataires tentent de le rejoindre ou le rejoignent, puis il ne fait rien. Ça, c'est de l'exploitation de la misère. Et si ça, c'est, t'as tellement besoin de faire de l'argent que t'es prêt à exploiter la misère, ben va donc sur le diable, calique. On n'a pas besoin de toi dans la société. Sans réserve. Sans réserve. Avec Luc Ferrandez. En semaine, dès midi. Au 98.5, Montréal. Les actualités. Cogeco Nouvelles. 8 avril, lundi, ici Guy Simard, voici les nouvelles. C'est par milliers que les gens se sont rendus en Estrie aujourd'hui pour assister à l'éclipse solaire totale. Les retombées sont manifestement énormes pour les commerces de la région. Jean-François Desauniers. Ils sont venus du Wisconsin, de Philadelphie en Pennsylvanie, du New Hampshire, même de San Francisco en Californie, Colorado et de partout en Ontario. Certains avec de l'équipement spécialisé et d'autres comme néophytes. Ottawa. Just today, I have a toddler at home. J'ai un petit télescope. I'm coming from just outside of Toronto. Got here probably about 6 o'clock this morning. Drove all night. Et l'émotion était palpable même chez cet astrophysicien de Montréal qui étudie le phénomène des exoplanètes. Ça emmène des émotions là. Il y a une collègue là, qui a fait la formation des ambassadeurs d'éclipse. Elle a pleuré quand elle a vu l'éclipse. Plusieurs hôteliers restaurateurs de Magog affichent complet encore pour les jours à venir. C'est le cas de Palplus et sa co-directrice, Élise L'Espérance. À l'hôtel Verso et à l'espace 4 saisons, on était complet hier soir. Puis on a également organisé des événements dans nos différents restaurants. La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Baudin, était surprise de voir l'achalandage dans les commerces locaux. Jamais, jamais vu autant de monde sur la promenade du Lac des Nations. Au marché de la gare, la personne qui vendait des produits de l'érable s'est complètement fait dévaliser. C'est vraiment une chance incroyable. Jean-François Desauniers, Cogeco Nouvelles, Sherbrooke. Mais d'ailleurs, comme pour approfondir les propos de la mairesse, des restaurants de l'Estrie ont littéralement manqué de nourriture. Ils ont dû fermer plus tôt que prévu en raison de l'affluence. Le propriétaire de la cantine du lac de Magog et son propriétaire, Renaud Légaré. C'est vraiment incroyable. J'ai fermé mes portes. J'ai manqué de ça. 2h15, là, j'avais plus rien. Mais là, c'est sûr que le monde s'est placé de l'autre côté, là. Au lac, là, mais au lac, c'était comme les bonnes années de la traversée du lac. Là. Il y a autant de monde à mon feu d'artifice qu'il y avait du monde aujourd'hui pour voir l'éclipse. Là. Ailleurs dans l'actualité, Donald Trump a déclaré aujourd'hui vouloir laisser aux États le soin de légiférer en matière d'avortement dans une vidéo publiée sur sa plateforme sociale. L'ancien président a semblé rejeter l'idée d'une interdiction à l'échelle nationale. Les États vont trancher le débat par vote ou par une loi, selon ce qu'il dit. La question de l'avortement est au cœur de l'actuelle campagne présidentielle. Notons que depuis la décision de la Cour suprême en 2022 d'invalider Roe contre Wade, les conservateurs ont perdu systématiquement chaque référendum ou scrutin traitant de l'avortement. Ottawa prévoit consacrer 8,1 milliards ces 5 prochaines années et 73 milliards d'ici 2044 à la mise à jour et la modernisation de son armée. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce à Trenton, en Ontario. L'importance stratégique de l'Arctique canadien est en train d'augmenter à cause des changements climatiques. Alors on va le protéger. On va investir dans de nouvelles capacités, dans du nouveau matériel et dans les membres des forces armées canadiennes. Un livreur d'Amazon agressé violemment à Chelsea le 24 octobre 2022 en subit toujours les conséquences psychologiques. Mamadi Kondé, 28 ans, n'a pas repris le travail ni ses études depuis cet événement survenu il y a maintenant 5 mois. Yannick Saint-Denis. Ce jour-là, Mamadi Kondé s'est tout simplement trompé d'adresse. Un homme agressif est sorti de sa résidence. Mamadi a finalement baissé sa fenêtre de voiture pour tenter de lui parler. Il m'a donné un coup fort sur l'œil gauche. Un deuxième coup a suivi avec une lampe de poche et en pesant sur l'accélérateur, il a abouti dans un arbre. L'agresseur a appelé la police. Il a joué diversion pour faire croire qu'il était victime. La police a finalement cru la version du livreur qui a porté plainte le lendemain. Les conséquences sont toutefois toujours bien réelles. Je ne travaille pas, je suis en arrêt de travail. Je suis malade. Mon œil, la tête, je n'arrive pas à dormir. N'ayant plus son statut d'étudiant international, il peine à y arriver. C'est comme si mes rêves ont été mis dans l'eau. À bien y penser, il aurait agi autrement. Je me dis, ces jours-là, j'aurais dû fuir pour éviter ça. Yannick Saint-Denis, Cogeco Nouvelles, Gatineau. Météo. 3 degrés, partiellement nuageux ce soir, cette nuit pour le secteur de Montréal. Demain 16, ce sera généralement ensoleillé. Ensuite, des averses mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Température autour de la quinzaine par contre. Gatineau, 1 et 18, ensoleillé demain. Trois-Rivières, moins 1 et 13, généralement ensoleillé pour mardi. Sherbrooke, moins 3 et 14, soleil demain, tout comme à Québec. Minimum moins 2, maximum 9. Cogeco Nouvelles. Montréal. Parce que vous voulez tout savoir. De retour à Parlons-nous. Parlons-nous. Vous avez envie de vous exprimer? Composez le 514-790-9850 ou de l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. Voici Valérie Leboeuf au réseau Cogeco. Ce soir, parlons-nous, on veut entendre vos témoignages. Comment avez-vous vécu l'éclipse solaire totale aujourd'hui? Et je vais poser la question à Jonathan qui est là. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, Valérie, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, absolument. Écoute, on vient de vivre un grand moment. Moi, j'en ai profité, en fait. J'ai préparé mon coup un peu parce que moi, je suis un fabricant d'instruments de musique. Je fabrique des percussions. Puis, j'ai décidé d'en préparer un d'avance pour le terminer dans l'éclipse pour que ça soit un genre de baptême. OK. Cet instrument-là ait un genre de baptême. C'est le seul et unique instrument qui aurait été fabriqué. Donc, sur ma page Facebook, j'ai fait une vidéo là, tout le long que j'étais en train de le fabriquer. Puis, j'ai terminé. J'ai commencé à, dans le fond, l'instrument à 2h et à 13h, dans le fond, à 15h20, juste avant que ça devienne noir, il était terminé. Wow. Puis, dans le fond, ça fait un baptême, c'est un instrument qui va devenir vraiment unique. Puis là, quand j'ai mis ça sur ma page Facebook, les gens qui me suivent se sont mis à vraiment être intéressés. Puis il y a une de mes clientes, Sylvie Leduc, qui m'a référé une de ses amies. Donc, Martine, ton tank drum est prêt. Il va être livré. Là, je suis juste en face de ma peinte. Elle va faire son dessin dessus. Donc, elle va faire un dessin relié avec l'effigie de l'éclipse. Donc, c'est ça. Pour les gens qui sont intéressés de voir ça, vous pouvez aller voir ma page Facebook Tank Drum Earth. Vous voyez toutes les étapes de comment ça s'est fait. Fait que, tu sais, c'était vraiment impressionnant. Mes enfants étaient là aussi. Fait que, tu sais, quand c'est venu noir, c'est venu frais. Ça, il y avait une ambiance. Mm. Vraiment exceptionnel. Moi, j'habite à Sainte-Anne-de-Bellevue. Les gens étaient tous dehors. Ça s'est mis à applaudir, à crier. C'était de toute beauté. Fait que, tu sais, j'ai tout mis cette énergie-là dans cet instrument-là. Donc, c'est quelque chose de spécial, je pense. Ben, c'est le fun d'avoir pensé. Je pense que Martine va avoir un instrument unique entre les mains. Ben, je comprends. Puis d'avoir pensé à préparer puis à créer un événement, ben, historique. Puis comme vous l'avez dit, les gens sont sortis à l'extérieur. Puis tout le monde se met à... C'est ça, c'est que les gens se mettent à applaudir comme ça. Ben, c'est un spectacle de la nature, évidemment. Là, mais... ben, c'est sûr. Ouais. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Personne, mon petit garçon, il n'en revenait pas. J'ai eu le temps, en même temps, une fois qu'il était terminé, il me restait le beau moment où est-ce que la lune vient couvrir le soleil. J'ai vu mon garçon émerveillé parce que là, on enlève les lunettes, on voit le spectacle. c'est comme, j'ai encore des frissons, tu sais, puis d'avoir fait un instrument, ben, c'est ma passion. Ça fait 8 ans que je fabrique des instruments comme ça. Puis c'est des instruments zen. Donc, tu sais, ça fait comme il y a une énergie qui s'est mise là-dedans. Je les fais toujours avec une intention quelconque quand je les fais. Mm-hmm. Mais celui-là, Martine, elle a vraiment, là, je sais que sur ma page Facebook, tout le monde va être déçu parce que j'ai l'impression que tout le monde aurait aimé l'avoir. Mais là, c'est Martine qui était rapide, qui a mis son dépôt. Donc, ça s'arrête là. C'est Martine qui va l'avoir. Puis, c'est sûr que ça aurait été, même j'ai pensé, ma femme a dit, oh my god, t'aurais dû attendre. Mais non, j'ai dit, tu sais, je l'ai fait, il est vendu, c'est cette personne-là qui l'a eu. Donc, je suis bien content d'avoir fait ça. C'est dans le fond, on n'a pas l'occasion de refaire ça deux fois. Ben, c'est sûr, Jonathan. Rappelez-nous la page Facebook si les gens veulent aller voir ça, là. Ouais, ça s'appelle Tank Drum Earth. Earth comme la planète Terre. Oui. Puis, c'est des instruments qui sont faits à partir de tanks de propane. C'est ça qui est vraiment particulier. Donc, c'est peu connu encore. Bien, de plus en plus connu, mais ici au Québec, je suis le seul fabricant de ce genre d'instruments-là. Ben bravo. Donc, si les gens veulent aller voir ça, ça va me faire plaisir de montrer ça à tout le monde. Puis, c'est super le fun pour tous ceux qui veulent jouer un instrument de musique intuitif. C'est super facile. Merci, Jonathan. Merci d'avoir pris le temps de nous joindre ce soir. Merci à vous, Valérie. Bonne soirée. Ça marche. Bye-bye. On va poursuivre avec Stéphanie qui est là. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir, Valérie. Vous allez bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Malgré le fait là, qu'on est sur la 10, on est pris sur la 10. Okay. Ça, on était à Sutton en famille. Oui. Et ça a été spectaculaire. On a eu une totalité de 3 minutes et demie. Et c'est certainement parmi les durées les plus longues. Vraiment, c'était long, mais en même temps, long et court, ça passait très rapidement, mais ce qui était vraiment beau, c'était ce qu'on appelle la bague à diamants, juste avant là, que ça soit la totalité, c'était de toute beauté. Et au début, on était juste comme un petit groupe en famille, puis là, à un moment donné, il y a plein de monde qui sont arrivés, il y en avait du Vermont, il y avait des gens d'un peu partout, puis il y a des gens qui ont apporté aussi un télescope spécial, on pouvait voir... vraiment l'évolution, c'était vraiment beau. Et à un moment donné, nous, on avait notre chien avec nous, puis elle devenait toute excitée au fur et à mesure que l'éclipse avançait. C'était vraiment, vraiment toute une expérience. On a apporté du champagne, une très belle expérience. Ça vaut la peine. On est complètement pris sur la 10. De Sutton, là, ça fait 2 heures qu'on est parti. On en a encore au moins pour 1 heure ou 2, mais ça a valu complètement la peine. Je comprends, vous en allez dans quel coin, là, vous? On s'en va à Montréal. On s'en vient à Montréal, mais on est quasiment à l'arrêt, là, sur la 10. Bon, ben, écoutez-nous. Comme ça, vous allez passer le temps. On vous écoute. On vous écoute. Bon. Merci, Stéphanie. Merci. Mais le champagne et tout ça, je trouve c'est une bonne idée. C'est de garder un moment festif à travers tout ça, familial également. On va poursuivre avec José qui est là. Allô, José. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Vous? Oui, excusez. Je connais pas. C'est pas incorrect. Donc, écoute, comment ça s'est passé? Un des moments les plus excitants de ma vie, sincèrement, c'était vraiment beau. Moi, je suis allée le voir avec ma meilleure amie au Parc national du Mont-Mégantic. Oh, wow! Donc, on avait 3 minutes et demie aussi là, d'éclipse totale, mais il y a toute la partie partielle aussi avant qui était vraiment excitante. Puis, j'avais amené ma caméra parce que je suis photographe et que j'avais envie de la photographier à partie totale. Mais sincèrement, après 1 minute et demie, je me suis juste assise puis je l'ai regardée. Puis je l'ai juste admirée. Là. C'était vraiment spécial. Puis, moi, je suis une grande admiratrice, c'est une grande... comme fan d'astronomie depuis que je suis toute petite. Okay. Puis je me souviens, quand j'étais toute petite, d'avoir calculé quel âge j'allais avoir voir l'éclipse totale. Puis je me disais, oh mon Dieu, je vais avoir 45 ans, c'est tellement loin. Puis là, maintenant, c'est fait, on y est arrivé. Ça fait 30 ans que j'espère qu'il va faire beau. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de la journée. Ça a été vraiment une expérience exceptionnelle. Puis d'autant plus, José, je trouve ça important ce que vous dites, de dire, ben j'avais apporté ma caméra parce que je suis photographe, mais j'ai pris le temps de le vivre. Parce que souvent, on va voir des shows, puis combien de fois on voit les gens derrière la lentille, puis ils regardent à travers le téléphone ou peu importe, ne vivent pas nécessairement le moment présent, ce que vous avez décidé de faire, vous, aujourd'hui, finalement. Puis exact. Derrière moi, il y avait tout un groupe d'ados qui, pendant la partie partielle, étaient plus ou moins intéressés, mais il n'y a personne qui regardait son téléphone pendant la partie totale. Là, tout le monde était vraiment attentif, puis tout le monde tripait, là, tu sais. Merci, José, d'avoir appelé. Puis 45 ans, ben c'est ça, ça... Vous trouviez que c'était loin, mais ça passe c'est vite fait. Pareil. Hein? C'est fait, c'est exactement. Ça. Merci, José. Merci, bonne là. Soirée. Bye. On va poursuivre avec Gratien qui est là. Bonsoir, Gratien. Bonsoir. Alors vous, comment vous l'avez vécu, cette éclipse solaire totale aujourd'hui? Écoute, je m'attendais pas à ça pantoute. Premièrement, j'avais pas de lunettes. OK. Puis là, je m'en revenais avec un sac de poubelle noire. J'ai dit, Corinne, moi, essayez ça. Parce que c'était parfait. Je voyais tout clairement. J'en revenais pas. Je m'attendais pas à un événement de même. Pantoute, pantoute, pantoute. Puis le pire, c'est que c'est pas la totale que j'ai vue, là. J'imagine qu'à Mégantic, ça devait être effrayant, ça devait être capotant. En tout cas, j'en reviens pas encore. Mais surtout quand on n'est pas préparé, c'est ça, vous avez quand même été téméraire avec le sac poubelle? Écoute, je penserais pas, parce okay. que si j'avais deux épaisseurs, je voyais rien. Puis avec une épaisseur seulement, c'était parfait, je voyais super bien. Je regardais pas ça pendant tout le temps, là. Un, deux secondes, puis je laissais tomber le sac, tu sais, là. Mais en tout cas, à Mégantic, ça devait être écœurant. Ouais. Là, c'est le phénomène que ça a fait aussi, à un moment donné. Oui, c'est ça, hein? Vous voyez l'éclairage baisser, puis j'ai même pas vu l'éclairage baisser au complet, moi, là. Non. C'est juste le bord. Exact. Non, mais je vous comprends, Gracien, c'était comme dans un film, là, mais sauf que c'était dans la vraie vie. Merci d'avoir appelé. C'est bon. Bonne soirée. Bye. On va poursuivre avec Steve qui est là maintenant. Bonsoir, Steve. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, moi, je suis à Lavalois. Je travaille à Montréal-Nord. OK. Je suis parti du travail à 11 heures. Je suis allé chercher ma fille sur le plateau. Après ça, je suis passé prendre ma mère à Saint-Julie, puis on est monté direct à Sherbrooke. Wow. Ça paraît de rien, mais 2 minutes de plus pour un événement aussi rare, c'est énorme. Non, mais je comprends parce que du côté de la Rive-Nord, on ne voyait pas aussi bien là, si vous étiez resté à Laval. C'est ça, 3 minutes et demie, puis on n'est pas allé au centre de Sherbrooke. Là. Je voulais être dans le secteur où on pourrait en profiter le plus. Puis on s'est stationné d'une cour d'une compagnie de construction, là, puis on a admiré le spectacle. C'était excellent. Puis comment ça a été vécu? Parce que là, vous étiez avec deux générations. Vous dites votre mère, votre fille. Comment ça a été vécu de part et d'autre? Je suis content d'en avoir fait profiter ma mère. Ma mère a vu ça en 1972, mais contrairement à bien du monde qui se souviennent d'événements, là, elle se souvenait pas trop, tu sais. Okay. Puis on se disait toutes sortes d'affaires, parce qu'on se parle souvent de l'univers, moi et ma mère, on a des discussions là-dessus. Puis là, je me disais, quelque part dans l'univers, il y a un spectacle encore meilleur que ça, quelque part, tu sais, c'est tellement grand. Tu regardes ça, puis là, tu dis la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, puis on dirait qu'ils ont la même grosseur. C'est écœurant. Non, c'était vraiment incroyable, vraiment. C'est quelque chose qui va vous hanter, qui va rester encore longtemps, oui. On n'oubliera pas la date, puis ma fille non plus. Merci, Steve, d'avoir appelé. Merci, bye. On va poursuivre avec Mamadou qui est là. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va, et toi? Ben oui, comment vous l'avez vécu, vous, l'éclipse aujourd'hui? Oui, c'était vraiment super. C'est incroyable. C'était ma première fois de vivre une telle chose. C'était magique. Et donc, c'est vers très tôt le matin, on s'est tous préparés. Et puis, on avait les lunettes, les gadgets, tout ce qu'il faut pour vraiment observer tout ce qui allait se passer au niveau du ciel, la lune. Donc, c'était incroyable, c'était cool. Et vous, Mamadou, vous l'avez vécu en famille ou avec des amis? À quel endroit? J'étais avec les amis à Gatineau. À quel endroit, vous dites? Oui, à l'école avec les amis. Ah, OK. Ah, ben c'est super. Ouais, avec les amis à l'école, c'était vraiment super. Merci d'avoir appelé, Mamadou. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je voulais rappeler une chose, là. Pour que je puisse vraiment capter le numéro, il m'a fallu des heures et des heures. Donc, je pense que c'est un peu trop rapide pour capter le numéro. Et si c'est possible que tu essaies de revoir ça et faire un peu moins rapide. Parfait. Je vais faire attention. Merci. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Bonne soirée. On va s'arrêter un instant pour la pause. Et si vous avez envie de nous joindre comme Mamadou et que vous n'arrivez pas à capter le numéro de téléphone, parce que c'est vrai que je le dis rapidement parfois, c'est le 514-790-9850 si vous êtes à Montréal. À l'extérieur, 1-866-790-9850. Et si vous êtes derrière votre téléphone, que vous voulez simplement écrire le texto, le 98985. La commission Normando-Ferrandaise. Parce que si le propriétaire augmente ses loyers, ben il va payer plus d'impôts. C'est normalement, tu sais, si c'est déclaré. En théorie, ça revient dans les coffres de l'État. En théorie, si tu payes plus de logements augmentent. Ouais, si tu construis, ça revient au même. C'est-à-dire que ça revient aussi en partie dans les coffres oui, de l'État. Oui, mais là, pour construire, ça prend une subvention à cause des coûts de logement. Lui, là, en restant assis, il ramasse plus d'argent. Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. La commission Normando-Ferrandaise, en semaine au 98.5, Montréal. Préfère, c'est grand. C'est plus de 80 000 pieds carrés de vêtements, chaussures, équipements de sécurité et haute visibilité. Sortie 109 autoroute 20 ou préfère.ca. Préfère, équiper les travailleurs d'ici. Attention, Repentigny Chevrolet a déménagé. Découvrez le plus grand concessionnaire GM au Québec, maintenant à Charlemagne. Lavoto, espace détente et installation à la fine pointe de la technologie. Découvrez nos véhicules neufs et d'occasion dans notre grande salle de montre bien au chaud et profitez de prix d'ouverture avec des taux à 0% sur nos camions en inventaire. L'équipe de Repentigny Chevrolet a bien hâte de vous faire visiter sa nouvelle concession. Repentigny Chevrolet, votre concessionnaire de confiance au 60 chemin des 40 Arpents, Charlemagne. Les Montréalais boivent de l'orange julep de Gibault. Les Montréalais mangent de la poutine chez le julep. Allons-y au restaurant Gibault Orange Julep. Depuis 87 ans, 7700 boulevard d'Icarie, ouvert 7 jours sur 7. C'est toujours l'été à la grosse orange. Chez Club Piscine, les piscines, on connaît ça. On connaît la hors-terre de la famille Lapointe, solide depuis 2012. On connaît aussi la creusée des Nouyennes-Barrettes, toujours à 87 degrés. Et c'est sans parler de nos dizaines de milliers d'autres piscines partout au Québec. Alors si vous aussi vous voulez une piscine pour cet été, venez nous voir en magasin. On va apprendre à se connaître. Pour un temps limité, économisez jusqu'à 8 500 $ sur votre piscine creusée en fibre de verre, fabriquée au Québec. Réservez la vôtre aujourd'hui chez Club Piscine. Vous vous demandez à quoi ressemble le quotidien dans une résidence pour aînés? Visitez l'une de nos résidences Chartwell au Québec lors de notre événement Porte ouverte les 12 et 13 avril de 10h à 16h. Les détails sur chartwell.com. Vous déménagez? Rejoignez plus de 6 millions de familles qui ont trouvé une façon plus intelligente et flexible de déménager avec PODS. Économisez jusqu'à 20% pour une durée limitée. Que vous déménagiez dans la même ville ou à l'autre bout du pays, PODS vous livre un conteneur portatif. Vous emballez ensuite à votre rythme et choisissez où et quand vous souhaitez que votre conteneur soit livré. C'est aussi simple que ça. Économisez 20% sur votre déménagement. Visitez pods.ca ou appelez au 888-939-7637 pour en savoir plus. De retour à Parlons-nous. Parlons-nous. Vous avez envie de vous exprimer? Composez le 514-790-9850. Ou de l'extérieur de Montréal, le 1-866-790-9850. Voici Valérie Leboeuf au réseau Cogeco. Chansons qui concernent le soleil et la lune. Il y en avait plusieurs aujourd'hui qui ont été entendues, notamment celle de Bonnie Tyler qu'on jouera tout à l'heure, mais qui écoute 40 ans après la sortie, la chanson qui a été téléchargée, oui, qui est redevenue numéro un. C'est incroyable. Ben oui, c'est Total Eclipse of the Heart, c'est ça? Exactement. Exactement. Vas-y. Oui, Aline nous écrit, elle est à Rosemont. Elle nous dit, je suis allée sur mon balcon avec ma chatte et mon pitou dans mes bras et elle tremblait à la pleine noirceur. Ça a été un moment magique, une émotion de plusieurs effets de toutes sortes. Une autre personne nous dit, ça m'a inspiré beaucoup d'empathie pour les anciens qui ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait lors d'un tel événement. Ils devaient avoir très peur et on peut les comprendre. Geneviève Natalia, elle nous dit, mon fiancé est incarcéré depuis plusieurs très longs mois. L'idée de vivre l'éclipse sans lui était tellement déprimant. J'ai donc été m'asseoir devant la prison de Bordeaux pour voir l'éclipse. J'aurais tout donné pour l'avoir à mes côtés à ce moment exact. J'ai pleuré tout le long, mix d'émotions et de tristesse. Ça doit être très émouvant, oui, effectivement. Nicolas est à Jonquière, lui. Il nous dit, j'étais à l'emploi, j'ai pu voir l'éclipse partielle de son côté. Oui. C'est assez impressionnant. Je regrette de pas pu aller dans le couloir de la Lune. C'est assez drôle de voir tout le monde avoir pris congé au gouvernement. Seulement une personne qui travaillait, moi, je fais l'entretien. Une autre personne, c'est Fanny. Elle nous dit, nous, on était au travail. Ils nous ont fourni des lunettes vraiment uniques et magnifiques. Quelle symbiose entre l'homme et la grandeur de l'humanité. Je trouve ça beau. Le fait déplorable est la roulette russe et les craintes que le système scolaire a implantées depuis des semaines et des semaines. Vraiment déçu que beaucoup d'enfants n'ont pu vivre cette expérience. Donc ce soir, vos témoignages. Oui. Comment vous avez vécu l'éclipse? 514-790-9850 à Montréal, partout au Québec, 1-866-790-9850 et texto 98985. Évidemment, on vous rappelle d'être patient parce que là, les lignes sont pleines, mais dès qu'on discute avec un auditeur et qu'il raccroche, tentez votre chance. Certainement, on est là jusqu'à 20h pour prendre vos appels et on va poursuivre avec Isabelle qui est là. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir. Vous êtes encore dans l'auto? Oui, je suis dans l'auto. Comment je suis sur la scène de retour. Okay. En fait, nous, ça s'est bien passé. On est allé, dans le fond, au parc Jean-Drapeau à Montréal. Il y avait DJ Champion qui était là. Il y avait Diane Strang qui est venue faire une performance. Il y avait aussi Valérie Plante qui était là. Ça a été une super activité, vraiment. Il y avait 150 000 personnes. Pour l'éclipse, je m'attendais pas du tout, là, surtout là, quand ça a été là, l'anneau de Diana qui était là. Ouais. On pouvait enfin enlever nos lunettes pour regarder ça à l'œil nu. C'était magique, c'était extraordinaire. Moi, j'avais jamais vu ça, là, puis c'était vraiment quelque chose de super. Mais pour moi, mon activité, ben, en fait, mon événement qui a été la boucle de tout, ça a été que j'ai eu la chance d'avoir une photo avec David Saint-Jacques. Ah oui, l'astronaute. Oui. Ben oui, chanceuse. Oui. Ah, il était là, puis j'en ai profité. J'ai fait, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Il dit, ben oui. Écoute, pour moi, là, c'était quelque chose, parce que pour moi, David Saint-Jacques, c'est aussi beau que Laurent Duvernay-Tardif, parce que, je veux dire, c'est quand même, ils ont des parcours vraiment exceptionnels. Oui, oui, tout un accomplissement. Puis, ouais. Oui, vraiment. Puis pour moi, c'est un très bel exemple. Alors vous allez vous souvenir de la date, David Saint-Jacques et l'éclipse dans la même journée, là, franchement, c'est la totale. Oui, oui, oui. Puis tu sais, David Saint-Jacques, ben il était là, évidemment, il a parlé de ses expériences, comment ça se passe, aussi là, au niveau de l'éclipse, puis qu'est-ce qui cache quoi, puis comment ça fonctionne. Puis non, ça a été vraiment super. Là. J'ai adoré l'expérience. Mais dites-moi, Isabelle, est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour quitter le site? Parce que mon collègue disait, bon, les gens sont arrivés très tôt pour avoir une bonne place, mais de sortir du site, oui, ça a dû être compliqué. Bien, en fait, c'est que nous, on est arrivés très tôt. On est arrivés sur le site, il était midi, alors que le site ouvrait à 11h. Mais quand on a quitté à 4h30, on a réussi à monter dans le métro. Il était presque 6h-25. Ah oui, hein? Oui, parce que là, tout le monde prenait le métro. Alors, la filée était aussi pire que les food trucks, là, pour vrai. Là, c'était quelque chose. 150 000 personnes qui sortent en même temps pour prendre le métro. Oui, ça a été quand même assez long. Là. Juste pour avoir accès au métro, là, ça a pris un peu plus qu'une heure. Mais là, de tous les commentaires qu'on entend de gens qui ont assisté au phénomène extraordinaire, tout le monde semble zen, oui, à la suite de ça. Est-ce que c'était le cas également dans la foule pour se rendre dans le métro? Ou... C'était fou parce qu'à un moment donné, bon, la lune a commencé à cacher le soleil. Puis là, quand c'est arrivé comme plus comme aux trois quarts, là, c'est fou là, le silence qu'il y avait sur le site. On entendait presque, on a entendu une mouche voler quasiment, là. Les gens se sont tus. On entendait comme plus rien. Tout le monde parlait très bas. Fait que c'était comme, puis tu sais, on a senti à un moment donné le changement aussi de température parce que quand la lune s'est mise à cacher le soleil de plus en plus, ben là, le vent s'est levé tranquillement, la noirceur, la fraîcheur aussi. Ouais. C'était pareil comme si on arrivait à 9-10 heures le soir. Là. Non, c'est ça. Non, vraiment, ça a été un phénomène incroyable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous, ouais, joindre. Merci, Isabelle. Ça me fait plaisir. Merci. Bonne soirée. On va poursuivre avec Yves qui est là. Bonsoir, Yves. Bonjour. C'est ça, nous autres, on avait préparé ça un petit peu. Okay. On s'était réservé un Airbnb à Magog pour être près du centre. Et puis, quand l'éclipse est arrivée, bon, on est allé plutôt du côté de Georgeville, qui est peut-être comme 20-25 minutes plus au sud, mais pour être exactement sur la ligne, regarder ça sur la carte, les applications et tout, je me suis trouvé un beau spot. Bon, on s'est installé sur le bord d'une route où il n'y avait justement personne. Il y avait juste un chevreuil, deux, trois oiseaux, okay, et puis le soleil. Ma femme et moi, on était là. C'était magique. Donc, quand c'est arrivé, on se doutait un peu comment ça se passerait, mais pas aussi intense. C'est la première fois qu'on le vivait en personne. Ouais. Et puis quand c'est arrivé, quand la noirceur s'est installée, ma femme a versé 3-4 larmes. Moi, j'étais complètement chamboulé, là, émerveillé. Ce serait plus le mot émerveillé dans mon cas, là. ça a été vraiment magique. Là. J'ai hâte que ça recommence. La prochaine, c'est Louxor en Égypte, le 2 août 2027. On s'enligne pour être là aussi. Êtes-vous sérieux? Ah oui, hein? Ah, vraiment. C'était ma première, mais c'est pas la dernière, c'est clair. Puis celle à Louxor, en Égypte, c'est 6 minutes et plus. Okay. Donc, encore plus impressionnant. Là, bon, on se tape des heures de trafic. On est parti de Magog, comme on disait, il y a près de 4 heures. Il est 7h30. On n'arrive pas à la maison. On habite dans le bout de Saint-Jérôme. Là, on n'arrive pas à la maison avant 9h30, 10h moins 25. C'est long, mais... Je vois que personne n'est agressif sur la route. C'est pas comme l'heure de pointe du matin où le monde est choqué. Ça, hein? On est chacun dans notre voie. On roule bien tranquillement à 2-3 km/h. On s'arrête. On se sourit. On a tous vécu la même chose en même temps. Exact. C'est ça qui est, je pense que c'est ça fait d'habitude. Non, mais ça fait du bien. On avait comme besoin de ça parce que oui. Pour suivre l'actualité tous les jours, puis être dedans, puis de voir qu'on est toujours dans les mauvaises nouvelles, puis là enfin d'avoir un phénomène comme celui-là, ça, ouais, ça a rassemblé, je pense. Tellement vous résumez notre pensée. Hein. Ben, rendez-vous bien, puis continuez à nous écouter, Yves. Bye bye. Merci, bye bye. On va poursuivre avec Victor maintenant. Bonsoir, Victor. Oui, bonsoir. Et vous, comment ça s'est passé aujourd'hui? Oui, bien, un peu comme l'auditeur précédent, nous autres, on vient de la Rive-Nord. On a réussi à trouver une chambre d'hôtel, là, ça fait à peu près une semaine. Okay. On est allé là, moi, ma mère et ma fille. Donc, 3 générations ensemble. On allait regarder ça du côté de Bromont. OK. Oui, il y avait quelque chose d'organisé là, dans un parc municipal de Bromont avec la Fédération des astronomes amateurs, la FAC. Puis là, on est dans le trafic sur le chemin du retour. Puis j'ai regardé ma fille de 8 ans qui commence à trouver ça long. Puis j'ai dit, ben, on va appeler nous autres aussi. Hein? C'est bon, ça. Puis comment qu'elle a trouvé ça? On a adoré ça. Votre petite, comment qu'elle a trouvé le phénomène? J'ai trouvé ça très cool. Tout le monde avait le sourire jusqu'aux oreilles. Tout le monde pleurait de joie. Tout le monde était tellement excité. J'ai beaucoup aimé ça pour ma première fois et ma dernière fois. C'était très cool avec mon papa et ma maman. Ben je comprends. Donc, tu vas avoir des choses à raconter aux amis demain à l'école? Oui. Oui, c'est bon. Victor, merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous joindre. Merci. Au revoir. Bye-bye. On va poursuivre avec Clinton qui est là. Bonsoir, Clinton. Bonsoir, ma chère Valérie Leboeuf. Comment ça va, Clinton? Ma chère, c'est exactement comme Catherine Beauchamp, comme Jeffrey Soubrani, comme Martin Carly, comme Rodolphe Pousselet, comme MC Gilles, comme Isabelle, comme Victor. Oui. Je suis moi-même allé au parc Jean-Drapeau pour assister ce magnifique phénomène éclipse solaire. Et j'étais content parce que j'en ai parlé avec Nathalie Normando et son invité Philippe ce matin. OK. Et je l'avais même dit à Jeffrey Soubrani, même avant-hier, nous allons regarder l'éclipse solaire. Et est-ce que ça a été à la hauteur de ce que vous vous attendiez? Parce que là, vous étiez préparé et tout ça, mais de le vivre, là, est-ce que ça a amené des émotions auxquelles vous ne vous attendiez pas? Absolument, j'ai même préparé, j'avais acheté mes lunettes là il y a 13 soirées, là, 2 mètres à faire 2 semaines. J'ai préparé à l'avance pour aller dans le site du parc Jean-Drapeau. Et puis j'ai tout planifié. Puis vous étiez accompagné avec qui, Clinton? Je suis allé à moi tout seul, mais j'ai fait comme Catherine Beauchamp, comme MC Gilles, comme Rodolphe Pousselet, comme Martin Carly. Et au moins j'ai vu... comme Isabelle avait dit, j'ai vu Valérie Plante, j'ai vu David Saint-Jean. Oui. Ben, je l'ai vu de loin, mais j'ai finalement regardé en personne. OK. Et c'est phénoménal, et j'ai même fait 2 photos du soleil de mon cellulaire. Et après ça, j'ai regardé 3 fois l'éclipse avec mes lunettes de protection de l'éclipse solaire. Ah non, et j'étais très, très content. Ah oui, j'étais content. Ben, je comprends. C'est mon rêve. Ben, c'était mon rêve depuis mon adolescence. C'était mon rêve d'enfant. Donc, vous aussi, c'est un moment que vous attendiez depuis de nombreuses années. Merci beaucoup, Clinton, d'avoir pris le temps de nous joindre. Ben, à toi aussi, ma chère Valérie, puis mes salutations pour toi et Maxime Lachance. Parfait, il vous entend. Bonne soirée à vous deux. Merci, bye-bye. On va s'arrêter un moment pour la pause. La question de ce soir, elle est toute simple. Comment avez-vous vécu l'éclipse solaire totale aujourd'hui? Si vous avez envie de nous joindre, de nous appeler comme Victor puis sa puce qui était dans la voiture tantôt, si vos enfants ont envie de raconter ce qu'ils ont vécu. C'est pas juste les adultes qui peuvent parler ce soir. Les enfants sont invités également. 514-790-9850 si vous êtes à Montréal. 1-866-790-9850 si vous êtes à l'extérieur. Si vous avez envie de nous écrire, Maxime lira vos textos au 98985. Porsche West Island vous invite à vous laisser séduire par son nouvel inventaire de modèles neufs et d'occasion. Venez vivre une émotion hors du commun au volant de votre nouveau modèle Porsche. Puissant, élégant, raffiné, il ne manque que vous pour encore mieux l'apprécier. Prenez rendez-vous avec un membre de l'équipe Porsche West Island. Que ce soit pour l'achat, l'entretien ou pour trouver des pièces et accessoires pour votre modèle actuel, l'équipe de Porsche West Island est en mesure de répondre à toutes vos attentes. Porsche West Island, 4700 boulevard Saint-Jean à Pierrefonds, sortie 52 de la Transcanadienne. Cet été.